Alors, nous sommes prêts à partir. Ah, oui. Voilà. Alors, on pourra nourrir des conversations entre vous, même en aparté. Donc voilà, avec un tout petit peu de retard, bienvenue, hein, chers amis, pour cette... Ça marche pas, je crois. Non. Si, si. Oui, mais c'est pas très agréable quand c'est très fort. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, voilà. Nous sommes très heureux de vous retrouver à cette table ronde qui est intitulée Rencontre-Débat sur la création en espace urbain, donc qui nous permet d'ouvrir le volet Forum des Arts Sonores à l'intérieur du festival. Les Arts Sonores. Et cette dimension du forum va aussi permettre à Gilles Malatret, que je présenterai dans un petit instant, de proposer un parcours sonore, un parcours audio, demain dans le centre ancien, dont le départ sera à l'église Sainte-Marie à 14h, pour un parcours qu'il a élaboré et qui sera donc à découvrir en sa compagnie de 14h à 17h, peut-être un petit peu moins. Donc, Cette rencontre-débat nous permet d'inaugurer ce volet forum des arts sonores à l'intérieur du festival qui a démarré depuis mardi et qui se clôturera demain. Et nous allons, nous vous invitons à venir débattre autour de ces différentes pratiques du sonore en espace urbain plus précisément par rapport à la thématique que nous venons développer et de nous permettre de faire un petit peu un panorama des différentes modalités dont les artistes se sont emparés depuis plusieurs décennies maintenant pour explorer, confronter, parfois même avec des débats assez vifs sur les formes d'expression qu'on peut développer dans l'espace urbain. Et toutes ces modalités donc sont à discuter avec cet espace partagé et quelles sont les différentes dimensions que peuvent revêtir les formes de création dans l'espace urbain. Donc, pour articuler un petit peu le débat, je fais ce lancement pour planter un petit peu le décor et puis je vous présente successivement mes deux invités qui sont des personnalités S sonores et qui vont me permettre, voilà, en articulant nos différents retours d'expérience, de vous présenter un panorama le plus large possible de ces formes d'expression. Donc, je commence par mon premier invité à ma gauche, qui est Philippe Franck. Donc, est-ce que tu fais un pointing au fur et à mesure Non, je ne fasse pas de... Non, comme tu sais, quand je fais tout en direct, parfois... Ouais, je sais. Donc, Philippe Franck, remix. Donc, Philippe Franck, qui est directeur de Transculture. Il vous présentera très brièvement quelles sont les natures de ces activités. Culture numérique et sonore. En fait. Ok. Des pépinières européennes de création. Il est également commissaire d'exposition, enseignant et artiste sonore. Donc plusieurs cordes à son arc. Gilles Malatret, qui a déjà participé au festival ici à Bastia. Sur une thématique voisine il y a 2 ans, qui était les zones calmes. Voilà. Et donc Gilles Malatret est paysagiste sonore, animateur, créateur d'espace, d'écoute, marcheur, et fondateur du blog Désarçonnant, qui est une véritable mine d'or sur toutes ces pratiques audio-poétiques en espace, pas que public. Et qui a depuis de nombreuses années compilé une banque assez incroyable d'expériences qu'il propose, dont on fera l'expérience demain, sur ses pratiques à oreille nue, comment on aborde le sensible en marchant, comment cet aller-retour se fait, marcher, écouter, marcher, et comment on peut aussi définir de nouveaux espaces en déambulant. Donc voilà. Les deux invités vont tour à tour prendre la parole pour vous présenter un petit peu leurs pratiques. Et au-delà des pratiques, ce que je souhaitais, c'était qu'on puisse aussi mettre en correspondance les différents univers et à quel point on se rencontre souvent aussi sur nos projets et toutes les problématiques aussi inhérentes, les écueils, bref, tous les sujets pertinents dont on pourrait discuter autour de la création sonore. Voilà. Donc je vais commencer par Philippe, et ton micro est là. Ouais. Je pense qu'il faut l'allumer. T'as déjà un problème des micros, c'est qu'il faut les allumer. Ouais, il faut que tu pousses juste. Bonsoir, moi je me disais que c'était peut-être intéressant de reprendre un petit peu les deux notions art sonore, espace urbain, puisque c'était un peu le but, c'était les arts sonores dans l'espace urbain, mais finalement, qu'est-ce que c'est les arts sonores et qu'est-ce que serait l'espace urbain, tout ça un peu conditionnel, parce qu'on verra que c'est extrêmement finalement multiforme. En France, l'espace urbain, c'est un terme au départ technique qui a été utilisé lors des recensements de population dans les années 90 pour désigner, je cite, l'organisation de l'espace géographique de la France. Cette notion, aujourd'hui, semble un petit peu désuète pour pas mal d'institutions. Mais si on revient plus en arrière, on en parle déjà au 19e siècle et un peu plus au 20e siècle, avec pas mal de théories justement au niveau de l'organisation de la ville, mais aussi de la fonctionnalité des espaces urbains et leur capacité à produire certains types de sujets de comportements sociaux notamment. Donc plusieurs auteurs, on pense à Lewis Mumford qui a travaillé de manière très transversale du côté anglophone. On pense évidemment à l'architecte Le Corbusier, on pense à Guy Debord et au situationnisme avec sa notion notamment de psychogéographie dès les années, fin des années 50, mais ça je vais revenir peut-être tout à l'heure. Et on pense aussi à Henri Lefebvre, sociologue philosophe français, qui est un peu redécouvert, et ça fait du bien d'ailleurs ces derniers temps, notamment avec son livre « La production d'espace » qu'il a fait en 1974, et dans lequel il disait « Les écrits descriptifs d'espaces, de paysages, de campagnes et des villes ne se comptent plus. Sont-ils une connaissance de l'espace ?»« Non, » répond Lefebvre, qui tente dans ce livre de démontrer que l'unité théorique entre l'espace physique, l'espace mental et l'espace social, donc il y a une espèce de trait d'union entre ces différentes dimensions, ce qui n'était pas envisagé de la sorte avant, et que chaque société est plutôt productrice d'espace, son espace, donc dépendant dans sa vision marxiste d'une forme de capitalisme, du capitalisme aujourd'hui, et donc de production d'espace, qui est pas seulement une production d'espace de marchandises, mais aussi une production d'espace abstrait. Cet espace abstrait s'appuie sur des grands réseaux, qui sont des réseaux des mouvements d'argent, des mouvements d'affaires pour lui, mais c'est aussi l'espace des moyens de communication, autoroutes, aéroports, centres d'information, de communication. Dans cet espace, dit-il, la ville, berceau de l'accumulation, lieu de la richesse, sujet de l'histoire, centre de l'espace historique, a éclaté. Il s'agit d'en apprécier les conséquences. Donc, éclatement, finalement, pour lui, après avoir vu ces différentes dimensions dans une vision politique marxiste, de la notion d'espace urbain. On connaît aussi la notion très souvent citée maintenant d'hétérotopie que Michel Foucault a définie dans sa conférence qui date de 67 comme des espaces autres, une localisation physique de l'utopie. Pour lui, ce sont des espaces concrets qui hébergent l'imaginaire, et il citait une cabane d'enfants ou un théâtre, donc un lieu culturel qui est un espace autre, mais il parlait aussi des prisons, des hôpitaux, et ça dans la continuation de ses travaux précédents. Est-ce qu'on peut dire que l'espace urbain est un dispositif? Est-ce qu'on peut avancer que c'est seulement une production? Si oui, de quel type? Est-ce qu'il aurait cette dimension hétérotopique reconnue par Foucault? Ou bien est-ce qu'on peut dire plutôt que l'espace urbain est un dispositif à part entière, c'est-à-dire qu'il est en mesure à lui seul, par lui-même, de produire des processus de subjectivisation, c'est-à-dire qu'il faudrait se contenter d'analyser certains produits de cet espace pour les révéler dans leur caractère normatif, ce côté toujours normatif qu'a mis en évidence Foucault et Lefebvre également. Donc il y a un côté aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, très multiforme, multipolaire, on pourrait dire, de ces espaces urbains en pluriel qui sont reliés entre eux. Et on peut dire qu'un espace, finalement, est aussi un ensemble de connectivité, mais aussi un ensemble connexe. Ça serait l'extension, finalement, pas seulement d'un terrain, mais aussi d'une forme d'objet social ou d'objet sensible. Et plusieurs auteurs mettent l'accent là-dessus, y compris dans les métamorphoses de l'espace urbain, par exemple Paris qui devient le Grand Paris, New York qui ne cesse de s'étendre, Los Angeles, la Californie qui n'est plus qu'une ville, Bruce Bégout, notamment le philosophe, a écrit des choses intéressantes là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce que l'espace urbain? C'est déjà une vaste question. Ensuite, désolé pour ce petit laïus, mais c'est important d'ouvrir un peu les concepts pour peut-être mieux en parler. Ici, je parle de la notion d'art sonore, que j'aime bien mettre au pluriel. Je préfère parler des arts sonores, comme on parle des arts numériques, ou des arts plastiques, ou des arts de la scène, plutôt que de l'art numérique, l'art sonore, comme s'il y avait une espèce de totalité de pensée unique de cette forme-là, et ce n'est pas du tout le cas. On l'a été non plus. Donc c'est un champ artistique très multiple, qui n'est pas pour moi lié à une période, une géographie, ni à un groupe d'artistes spécifique. Le terme apparaît, il a été cité une fois avant, mais il apparaît en 83 dans une expo qui s'appelait Sound-Art. Là on voit bien le lien entre les arts plastiques et le son, puisqu'il y avait à la fois dans cette expo la compositrice Pauline Oliveros, mais aussi Vito Acconci, plutôt plasticien, aussi Lucinda Chase, plutôt chorégraphe, etc. Et ça, c'était à New York, et dans un centre qui s'appelle le Sculpture Center. Le terme, après, on a parlé d'ailleurs de sculpture sonore, c'est un terme qu'on utilise un peu moins maintenant, mais qu'on a beaucoup parlé de sculpture sonore plutôt dans les années 80 et 70. À partir de là, est née toute une série de grosses manifestations, Sonalbion Festival à Berlin en 90, en 2000 la grosse exposition Sonic Boom, The Art of Sound à Londres avec David Toub, qui est un très très grand musicologue, très transversal, musicien expérimental, et qui avait convoqué pas mal finalement de musiciens à faire des installations, Brian Eno, Christian Marclay, Panasonic, Scanner et d'autres. Et puis, nous, à notre petit niveau, en Belgique, on a fait le festival City Sonic qui est né en 2003 et donc qui existe maintenant depuis pas mal de temps et qui investit la ville aussi avec parfois une quinzaine de lieux et entre 60 et 100 artistes selon les éditions. Il y en a bien d'autres, mais finalement, il n'y a pas tant que ça encore des festivals d'art sonore. Il y en a aussi très intéressant au Chili qui s'appelle Tsunami Radio. Et j'en oublie certains, mais il y en a d'autres. Donc c'est une notion qui varie aussi selon ces manifestations, selon l'acceptation des curateurs, des directeurs artistiques, mais qui pour moi fait forcément la croisée de différentes disciplines. Pour moi c'est toujours le son et les arts plastiques, le son et les arts cinématiques ou vidéo, le son et les arts numériques, le son et la performance, le son et la poésie, poésie sonore, le son et la radio, radio art, le son et le cinéma, et l'acoustique, le design, le son numérique bien entendu. C'est jamais le son pour moi qui serait pur entre guillemets, mais c'est toujours un art que je vois comme étant hybride et l'audio plutôt comme un trait d'union, heureusement d'ailleurs. Et alors dans ces pionniers, et je le connais bien, Max Neuhaus, un des pionniers de l'art sonore qui dès la fin des années 60 avait quitté le monde de la musique, parce que c'était un brillant virtuose, percussionniste qui jouait à la fois Stockhausen et d'autres grands compositeurs. Il a quitté ce monde et tout d'un coup est devenu artiste sonore, mais ça ne s'appelait pas encore comme ça. Et une de ses premières œuvres à la fin des années 60 s'appelait simplement Listen, où il s'agissait de faire une balade en ville et de se voir tamponner sur le poignet le mot Listen pour nous faire écouter de manière active les sons, l'acoustique, la vie sonore de la cité. D'ailleurs, Gilles, il proposera une balade samedi, un parcours audio actif qui s'inscrit pour moi dans cette histoire-là. Et il n'y a pas besoin d'ailleurs d'avoir des installations sonores ou des instruments d'écoute pour écouter la ville. Par contre, votre instrument d'écoute producteur et diffuseur de son, c'est votre oreille. Donc voilà un petit peu cette introduction très rapide. Dans le livre City Sonic que j'ai fait, Les arts sonores dans la cité, je m'étais amusé à demander à des tas d'artistes avec qui on avait travaillé des définitions des arts sonores. Je ne vais pas vous les lire là, mais c'est intéressant de voir qu'elles sont toutes très différentes selon qu'ils viennent de la musique, plutôt de l'écriture, plutôt de la performance, plutôt des arts numériques. Ils ont toutes des définitions très très différentes des arts sonores, et peut-être tant mieux, donc on ne peut pas encapsuler ces notions si facilement. On passe la parole à Gilles. Ah oui. Bon, je suis ravi de faire votre, connaissance à tous les deux. Donc voilà, moi je vais vous parler aussi de un petit peu des arts sonores, des arts sonnants, ou des arts sonores à ma façon. J'ai mis l'écologie sonore et le paysage sonore derrière toi. Oh, bah parfait, ça me fait un cadre tout à fait. Après, parfois, je préfère la notion d'écosophie, mais allons-y pour l'écologie. Donc voilà, j'avais préparé un joli petit plan que j'ai perdu, donc je vais le faire sans. Et je vais commencer par. J'ai commencé par revenir, comme Philippe, sur le principe d'espace urbain. Mais moi, je vais parler d'espace public parce que, en tout cas pour moi, quand je suis dans l'espace urbain, je me considère dans l'espace public à 80% des cas, pas toujours. Parfois, on est dans du privatif, du semi-privatif, voire du pas public du tout. Mais moi, j'aime beaucoup la notion d'espace public et la notion d'espace public au niveau politique. Alors, je ne vais pas vous parler de politique partisane, mais je reprends très souvent appui sur une philosophe marseillaise qui s'appelle Joëlle Zaske et qui a écrit beaucoup de choses sur l'écologie, notamment ces dernières années, mais qui a écrit un livre en tant que grande admiratrice de Dewey et grande connaisseuse de John Dewey. Elle a écrit un livre qui s'appelait « Quand les places sont devenues publiques ». Donc évidemment, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, parce que entre l'Agora et l'Arbre à Palabre, les places sont. Il y a beaucoup de places qui ont été publiques. Mais quand elles sont devenues publiques au niveau politique, et où on a considéré, peut-être à tort d'ailleurs, que la place était un espace ouvert à la parole, ce qui n'est pas toujours le cas, ouvert à la libre expression, ce qui n'est pas toujours le cas, ouvert à la libre circulation, ce n'est pas toujours le cas. Et donc c'est ce qu'elle démontrait un petit peu, c'est que quand on associe espace public et démocratie, parfois on va un peu à l'envers, parce qu'il y a des places qui ont été des lieux de propagande, voire de répression assez terribles. Mais je ne vais pas faire l'histoire de la politique, mais je pense que travailler dans l'espace public, pour moi, c'est un geste politique, déjà. Alors, ce n'est pas un geste politique où on va défendre gauche, droite, centre et autre chose. C'est un espace politique où, pour moi, quand on installe l'écoute dans un lieu, et là je vais en venir un petit peu à ma pratique, je pourrais vous parler d'autre chose que des pas, mais je vais me centrer là-dessus, puisque ça fait un peu la liaison avec ce qu'on va faire demain pratiquement. Quand on installe l'écoute, je parle bien d'installer l'écoute, d'ailleurs pas d'installer des sons forcément, d'installer l'écoute. Et pour moi, quand on installe l'écoute, on peut installer d'abord le silence, puis ça installe l'écoute, et puis ça installe les sons. Et ça installe les sons comme une installation sonore qui serait à ciel ouvert et à 360 degrés, et qu'on fabriquerait. Et là, je suis très Max Neuhausen, hein. Puisque c'est pas moi qui ai inventé qui ai découvert ces concepts, hein, je les reprends aussi à mon compte et je les transforme à ma façon. Mais installer l'écoute dans le paysage, c'est d'abord un geste politique, à mon avis. Faire circuler, partager une écoute du paysage avec ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Et là, je me placerai plutôt du côté de Murray Schafer, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps. Donc, on va dire un des pères fondateurs, si ce n'est le père fondateur du concept du paysage sonore, hein, ce soundscape, qui est appelé aussi Tuning of the World. Moi, je préfère presque ce sous-titre, oui, qui veut dire l'accordage. En anglais, c'est presque plus précis. Accorder le monde avec une vision musicale de l'accordage du monde, mais aussi le principe d'écologie sonore, de l'acoustical ecology, d'écologie acoustique. Où la première approche politique serait politique au sens très large, hein, dans le sens de la cité, si on reprend la police ancienne, la police écrite à l'ancienne, évidemment, la cité. On en a celle, sinon des polices, qui serait de jeter une oreille sur le monde et de jeter une oreille collective sur le monde, c'est-à-dire de faire un geste, commun, et de par l'écoute. Essayer de faire en sorte qu'on s'entende mieux dans tous les sens du terme, dans toute la police et militaire. J'avais monté une série d'actions avec des lycéens, plutôt des étudiants, des lycéens d'ailleurs, qui s'appelaient « Avec ta ville, comment tu t'entends ?» Là, on est un peu dans le sujet. Et comment tu t'entends à la fois acoustiquement, je dirais, et comment tu t'entends socialement. Qu'est-ce qui stresse, qu'est-ce qui stresse pas, comment on se sent bien avec les lieux, comment on se sent pas bien avec les lieux. Et le fait de faire des pas et de traverser, c'est aussi de savoir comment ça fonctionne une communauté sociale. communauté sociale par l'écoute et parfois par la production de son aussi. Parce que il m'est arrivé aussi de commettre quelques installations ou autre chose un peu plus sonore, je dirais. Même si je suis de plus en plus décroissant. C'est-à-dire que je mets de moins en moins de dispositifs décroissants. Je vais pas aller contre les installations sonores, mais je suis de plus en plus à l'oreille nue et de plus en plus sans dispositif. Si ce n'est peut-être ce que Nicolas Bourriaud appelle l'esthétique relationnelle et l'art contextuel. C'est-à-dire que ce qu'on fait ensemble est pratiquement plus important parfois que ce qu'on pourrait construire. Mais bon, ça c'est une idée qui n'engage que moi, évidemment. Et je ne sais plus où je suis parti, mais voilà, tout ça c'est pour dire que marcher dans la ville et installer une écoute dans la ville, c'est la recherche d'un commun qui serait les ambiances sonores auxquelles que nous écoutons et auxquelles nous sommes participants, fortement participants, pour le meilleur et pour le pire. Il y a aujourd'hui, très clairement, dans l'idée d'écologie sonore, des zones de paupérisation où des choses disparaissent complètement et des zones de saturation, notamment dans le milieu urbain où on est confronté à presque des situations qui sont très difficiles à tenir physiquement dans certaines zones. Donc voilà, c'est aussi une chose que les promenades sonores, les parcours audiosensibles, peuvent montrer aussi bien ce qui fonctionne que ce qui dysfonctionne, parce qu'on ne veut pas jouer non plus les fleurs bleues et dire que tout est poésie et tout est beau. C'est pas vrai. Donc on peut être confronté à des situations de tension, parfois y compris par les oreilles, sans forcément qu'il y ait de grosses manifestations sur l'espace public, mais simplement on sent qu'il y a des saturations qui se passent. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer ce qu'on va vivre ensemble demain, en tout cas, c'est pour ceux qui seront... Mais tu veux peut-être commencer par passer une vidéo d'un de tes pas, peut-être, comme ça on va revenir à la semaine. Voilà, et bien peut-être que pour donner un exemple, on peut lancer une petite vidéo qui a été faite à Mons avec l'école d'urbanisme et d'architecture et en partenariat avec Transculture et l'école d'architecture. Et donc c'est le résultat d'un workshop d'une semaine avec donc des étudiants, architectes et urbanistes, architectes surtout. Et qui en fait ne connaissaient pas les arts sonores. Et qui ne connaissaient absolument pas les arts sonores. Ils sont, les architectes ont un rapport avec le son très isolation, isolement, normatif. Et quand on leur parle de paysage sonore, en fait, ils sont surpris de découvrir qu'il y a aussi un aspect esthétique, qu'il y a aussi, qu'on peut mettre dans l'architecture une qualité d'écoute. Et ça, c'est, moi, j'adore avec les architectes, d'ailleurs, ou avec les aménageurs. Voilà, parcours audio. Oui, parcours audiosensible dans cette jolie ville historique de Mons en Belgique avec Jim Alatret et les étudiants de la faculté d'architecture. C'est 2 minutes de résumé de ce que peut être un parc. Pas sur le bon écran. Alors, moi je fais ça, je vais changer de bureau, je pense que c'est ça. Excusez-moi. Je fais ça là. Voilà. On est reparti. Et voilà, parcours audiosensible à Mons. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Enfin, moi, toujours sur. Malo Schaeffer. Bon, il y a. Attends, je. Ça doit être pire, on est sur Malo Schaeffer. L'écran autrement. Pourquoi on partage l'écran? Pourquoi je suis passé derrière? Non. C'est pas sur le. Alors. C'est vrai, il est. Le micro. Il est sur l'écran. quoi, histoire de bureau, c'est terrible. Ouais, c'est, je pense que c'est les bureaux dans le... Là-dessus, tu dis ? Non, là, pas fait pour c'est, regarde, regarde, il va pas y aller. Okay. Il est là, le bureau 4. Il va pas y aller, baisse. C'est un Mac, non ? Si tu vas t'en partager les menus, le menu... Non, c'est... Et non. Ou alors je change de menu. Il est là. Technologie. Nous êtes en... Tu peux pas l'ouvrir sur le bureau 5 ? J'essaie. Je bureau là pour l'instant, toujours sur le même. Ah, moi je vais le mettre là, je vais essayer de le mettre là. Si ouais, ça peut marcher ça. Ça peut marcher ça. Remise d'hier soir. Ah, bien. Un double clic option ouvrir sur le bureau 5. C'est le nom du bureau. Non, il y a les raccourcis, le bureau peut-être. Tu fais un clic avec deux doigts et ça devrait te donner dans l'option, ça devrait te donner ouvrir dans le bureau. Oui, c'est ce que je fais. Ouais. Ouais. Pas. Non, il est braqué sur ce bureau 4. Tu as vu qu'on est démunis. Pierre Schaeffer, c'est un costaud. Ouais, mais ça, c'est l'image. Attends, il va y arriver aussi. Non, ça dépend des Macs, j'ai pas les mêmes raccourcis, je suis désolé. Vous n'arrivez pas à ouvrir la vidéo sur On invite, ce on invite les... Si la vidéo elle est là, mais pas le... On n'arrive pas à aller sur les bons moments. C'est les coins actifs. Ça se tape pas au niveau de la table. Normalement, on devrait avoir du son. Je crois qu'il est baissé le. Il marchait tout à l'heure. C'est du son sans son, c'est quand même. Je crois que je l'ai baissé en me demandant si c'est pour ça. Là, il y a un truc MP3. Voilà. Gilles guide des étudiants. Le projet coopératif. Là, tu as quelques instruments d'écoute. Suivi à cause des sons de ses volets. C'est la chasse au roux. Je vous expliquerai pourquoi après. J'ai fait un tour en ville pour écouter les différents lieux, Ruelle, Beffroi, Place, pour voir un peu comment le son réverbérait, avait un impact. tout petit extrait d'une promenade sonore condensée. Donc, normalement, ça dure une heure, là, elle a été résumée en 3 minutes. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous paraître surprenant, c'est pourquoi dans une promenade où on fait silence pour écouter, il y a des promenades, des valises à roulettes qui nous entourent. Et ça, c'était suite à un questionnement avec les étudiants en architecture où je leur avais posé la question « qu'est-ce qui vous frappe dans la ville de Mons ?» Ils ont réfléchi et ils étaient pratiquement tous d'accord pour nous dire « c'est quand on arrive le lundi matin, encore pas le vendredi soir avec nos valises sur les pavés et où ça envahit tout l'espace. » Et donc on s'est dit ben, d'abord on va explorer la ville avec des valises à roulettes pour voir comment on fait sonner la ville avec nos valises. Ça c'était un jeu. Et après dans la balade sonore, on va entourer les gens un peu de valises pour masquer quasiment tout ce qui est autour et jouer sur ce qu'on appelle des effets de masque et des effets de coupure. C'est-à-dire quand on s'arrêtait brutalement avec toutes les valises, ben, la ville ne sonnait plus par les valises, mais tout se redéployait à l'oreille. Ça, c'est Max Naos, je lui ai emprunté ça parce qu'il l'avait fait avec des cloches qui s'arrêtaient et où on entendait brusquement le paysage. Donc voilà, c'était pour, le pourquoi des... Tiens, voilà, bah, tiens, le pourquoi des valises à roulettes. Et de ce travail qui s'était fait cette semaine-là, qui s'était un peu qui s'était conclu par cette promenade en silence et en visitant des lieux pas forcément habituels comme les parkings souterrains. J'adore les parkings souterrains acoustiquement et voilà, il y a un côté un peu canaille dans les parkings souterrains, donc je les adore. Peut-être que j'en ai trouvé à Bastia. Surpris. Ce qui est marrant aussi dans tes parcours audio-sensibles, c'est que parfois les gens ils vont pour dire tiens, je vais voir la ville dans ses meilleurs côtés un peu touristiques. En fait, tu les emmènes parfois, y compris des gens qui connaissent la ville, dans des dédales ou dans des parcours ou des zones un peu troubles, mais où il y a toujours des acoustiques intéressantes. Et on s'arrête vraiment pour écouter, donc il y a un petit côté méditatif aussi. C'est vrai que la ville souterraine de Louvain-la-Neuve, ça rappelle, c'est incroyable. À Bastia, il y a un très beau parking qui n'est pas souterrain, qui donne sur la mer, c'est assez unique. Ouais. Il y a à la fois l'acoustique du parking et la mer. Je t'invite à demander à Tommy de... Moi, j'en ai prévu un dans le parcours. J'en parlerai après. Je ne sais pas si c'est lequel. C'est rare, celui-là. C'est pas Tommy qui est aussi artisanal. Parler d'un travail qu'il a fait avec... Oui. Alors... Peut-être juste avant d'être plus précis sur cette dernière installation qu'on a déployée lors de la précédente édition du festival, c'était au mois de juillet, donc c'était édition décalée en été pour les raisons que vous pouvez imaginer. Alors si tu veux, on peut peut-être... Alors, avant de la commenter, juste revenir sur deux, trois points que vous avez évoqués tous les deux pour faire un petit peu un pont sur mes pratiques au niveau du sonore. Une des premières choses, c'est vrai que Gilles, je te rejoins assez sur la dimension politique de l'espace public et que, en fait, il y avait aussi une sorte d'arbitrage sur comment appeler cette rencontre, ce débat, et j'avais dans un premier temps pensé à la création sonore dans l'espace public, puisque c'est généralement sur ce thème-là que j'aime travailler auprès des publics, auprès des institutions, puisque là où je te rejoins aussi, à mon sens, dans le partage d'écoute, l'espace public, c'est, à mon avis, le premier espace démocratique dans lequel on doit normalement s'insérer, on doit côtoyer nos co-citoyens. Et cette zone d'échange, elle est souvent aussi zone de friction, zone de tension et zone d'aménagement. Et donc, on est emmené, nous, en tant qu'artistes, lorsqu'on veut s'exprimer dans l'espace public, devoir composer avec toutes sortes de problématiques. Alors, là, on fait un choix et puis on le garde. Généralement, moi, c'est comme ça que j'ai fait ce choix de vraiment m'exprimer dans l'espace public. Mais comme tu l'as dit, c'est pas sur du partisan. C'est vraiment une prise de conscience. Et quand j'interviens auprès des publics, comme encore tout à l'heure, par exemple, Philippe, des élèves du collège sont venus visiter ton installation à Albo, où j'évoque eh ben, tout ce qu'on a évoqué là, l'écologie sonore, Max Naos. Là aussi, je te rejoins, Gilles, parce que je pense que c'est un des premiers qui a placé l'écoute dans l'espace. Peut-être pas avec Lissan, qui était antérieur, mais avec une autre installation. Times Square. Times Square. où là, l'idée, c'était de créer un quotidien sur un quotidien et de voir à quel point les passants pouvaient faire le distinguo entre ce que lui proposait en surimpression d'un quotidien lambda et le décodage qu'ils en faisaient. À travers une grille de métro. Il y avait un tout petit son qui sortait, qui changeait tout le paysage sonore justement des passants. C'est très subtil. Et on fait ça pendant des années. Et donc là, je te rejoins complètement, Gilles. Max Neuhaus, c'est comme Schaeffer pour l'écologie sonore et la terminologie paysage sonore. Voilà, c'est un peu des pères fondateurs de cette approche de l'écoute. Sur le terme de paysage sonore, on se bat souvent, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le terme. Donc, je sais, mais je crois que c'est des polémiques. Je pense que c'est en train de s'estomper. Alors, il y a un autre artiste, mais qui est là et vient de chez nous, français, Michel Ries, qui fait aussi ce travail de composition dans l'espace public, avec une détermination et des moyens qui ne sont pas forcément ceux de Neuhaus, parce que là, il y a vraiment toute une... C'est dans les arts de la rue, oui. Ouais, c'est une compagnie. Mais il y a cette volonté d'être un peu polémique sur comment on habite l'espace public et comment on y déploie du sonore. Donc ça, c'était pour revenir un petit peu sur cette forme historique. Pour aller plus sur ma pratique de l'espace public, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aussi... produire des écoutes un peu contextualisées. Alors, mon point de départ, c'est plutôt le point d'arrivée de Gilles, puisque Gilles, il est dans la décroissance, il ne veut plus entendre parler d'appareillage. Et moi, je pense qu'il y a une dimension spectaculaire de l'espace, du sonore dans l'espace public, et mon travail, j'essaie de l'orienter sur cette dimension du spectaculaire, donc d'en faire une écoute augmentée. Tout comme on peut arpenter le quotidien et essayer d'y déceler des sonorités parfois habituelles ou inhabituelles, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler sur quelque chose qui est récurrent et comment amplifier ce récurrent pour que le public prenne conscience qu'il y a un paysage sonore existant. Parce que souvent aussi, il y a cette impression qu'on évolue un peu comme des fantômes, comme des zombies, et qu'on ne fait plus vraiment attention à toutes sortes de signaux ou de phénomènes sonores dans l'espace dans lequel on déambule, parce qu'il y a comme une forme d'automatisation de nos mouvements, de nos déplacements. Et ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de pouvoir poser des zones et dans ces zones, faire en sorte qu'il y ait une forme spectaculaire du son. Alors on va dire, mais pourquoi écouter encore le même son amplifié au casque? Pourquoi aller dans cette dimension du casque? Parce que cette dimension du casque, je pense qu'elle est, elle est de l'ordre du spectaculaire. Et c'est un peu comme... un sursaut qu'on peut créer chez la personne qui participe à ces balades sonores. Donc j'en organise des casquets, et je disais que le point de départ, c'est ton point d'arrivée. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir construire une balade sonore, avec cette dimension augmentée, je passe beaucoup de temps déjà à écouter, à arpenter des zones, à écouter, à évaluer, à analyser quelles sont les spécificités de chaque territoire, et puis de voir comment on peut les mettre en corrélation quand on fait un parcours, une boucle, et que des éléments faisant partie de ce parcours deviennent des acteurs, et donc on leur donne des rôles. Et sur les deux, les deux derniers projets réalisés, on a de la chance parce que Jean-Daniel Bécache est là, il est présent, et on a beaucoup travaillé sur une dernière phase de balade sonore géolocalisée. Et avant cela, lors de la précédente édition du festival, cette installation sonore, donc, qui a été déployée dans deux espaces différents de la ville de Bastia. Là, l'extrait qu'on va voir, c'est pas loin du Montinum, dans le quartier de la Citadelle. Mais la veille, deux jours avant, je ne sais plus, on l'avait présenté sur la place Claude Papi. Oui, deux expériences bien différentes. Deux expériences bien différentes. Et en fait, elle contient, au niveau du matériel audio, notamment des récits, des personnes qu'on a beaucoup interviewées, elle contient beaucoup de matériel plutôt du quartier de la place Claude Papi. Mais ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir déployer cette proposition comme une alternative contextuelle. Parce que l'idée était de pouvoir poser des répliques de mobilier urbain dans l'espace, leur donner une résonance avec une composition sonore qui avait... Bon, je te laisse là. Oui. Donc là, c'est une contraction. je pense, hein, le montage que Philippe nous montre, c'est Jean-Daniel qui l'a réalisé. Aussi attention trop bien pour commenter un peu plus cet extrait qu'on vient de voir, je peux passer la parole à Jean-Daniel parce qu'il a été très actif et très créatif sur ce projet également, donc il peut en parler aussi quelques mots. Alors cette installation que vous avez vue là, qui sont des colonnes qu'on appelait des colonnes de Lawson pour. Par rapport à l'esthétique que Tommy a entièrement imaginée. Et il y a différentes choses parce que Philippe, tu as aussi parlé du son en tant qu'unité de trait d'union. Et je trouve que c'est assez fécond, le refus du son dans son autonomie. C'est ce que j'ai cru entendre dans la parole, mais on aura l'occasion d'en discuter autour d'un verre. Parce que moi, je milite exactement pour le contraire, c'est l'autonomie du sonore, ce qui n'est pas le contraire. C'est dans son ami, dans sa pureté, peut-être, j'allais dire, tout à pareil. Dans une vision puriste du son. Ouais. Mais les deux ne sont pas si antinomiques que ça. Mais ici, c'est la dimension politique sur laquelle je voulais rebondir. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, hein, donc je serai assez court. Mais il me semble qu'il y avait un acte politique dans l'espace urbain, là, de transposer justement des sons qui ont été pris dans un quartier populaire, à Papi, où l'implantation de la sculpture sonore n'a absolument pas fonctionné, si je puis dire, parce qu'ils prenaient ça comme des plots pour faire du karting. Donc j'étais assez horrifié. Parce que, bon, déjà, techniquement, il y a une difficulté pour implanter... pour restituer des espaces stéréo sans aucune alimentation, avec des enceintes, bon bref, ça c'est mon... C'était l'enjeu. C'était un enjeu technique assez compliqué, et puis là-dedans, quand ils se pointent pour faire du... C'était pas du karting, comment on appelle ça ? Du scooter ? Oui, bon. Pas du scooter des neiges non plus, hein, mais des gros trucs là. Qui, du quad. Du quad, merci. Ouais. C'est les quaders de la place Claude Papy qui slalomaient entre nos colonnes. Donc évidemment, mais ce qui m'a paru plus intéressant, Tommy, tu disais aussi qu'il y a une que toi tu travailles sur le son augmenté, mais dans ces installations que vous avez vues, il y a un vrai travail de proximité avec les gens. Moi, je suis documentariste aussi à la base, donc d'aller récolter vraiment de la parole et puis la musicaliser et leur demander tout simplement quelque chose qui doit te parler, Gilles, tout simplement. Une question assez puissante, qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'entendre là maintenant ? Et d'enregistrer leur réponse et de la restituer ensuite. Voilà. Ça, c'était la chose concrète. Et maintenant, sur le plan politique, c'est une question que je vous pose, mais c'est assez intéressant de voir cette parole prise dans un lieu public où ils nous parlaient de leurs soucis d'alimentation, de Covid, d'être délaissés par les pouvoirs publics alors qu'ils ont l'espace. Alboro au plein milieu, mais c'est comme s'il y avait une barrière de verre entre eux et cet espace, donc on ne peut pas les faire venir. Et en même temps, nous, on récolte cette parole d'exclusion, de douleur, de vie, tout simplement aussi. De vie, et on vient la transposer dans un endroit très hype, mmh. où ce sont les touristes qui déambulent dans cette parole glanée dans les bas-fonds. J'exagère beaucoup, hein. Est-ce qu'il n'y a pas là un drôle de geste politique aussi? On en vient déjà aux questions. Pas tout de suite, si Philippe, tu veux poursuivre sur ton conducteur ou Oui, excusez-moi, j'ai pris la parole parce que c'était l'install que j'avais fait. On retient le geste politique pour peut-être répondre un peu plus tard. Donc moi, je voulais juste aussi montrer un petit exemple de... Il y a l'aspect très pratique, puisque j'ai parlé de CitySonic, donc depuis 2003, à Mons, et puis Charleroi, Bruxelles, aussi bientôt au niveau de la neuve, universitaire, et puis d'Alousière, donc toutes des villes très différentes, parfois patrimoniales, parfois plus industrielles, parfois neuves, et innovées, au niveau de la neuve. C'est à la fois un parcours donc, dans l'espace urbain, c'est-à-dire que c'est, l'idée c'est que justement on relie vraiment des lieux entre eux par le son. Donc là bah, par exemple, il faut passer à Louvain-la-Neuve, il y a une quinzaine de lieux. Et puis des installations évidemment qui, de différents types, numériques, plus low-tech, plus audioplastique, inventeur d'instruments, etc. Le côté performatif qui intervient aussi, qui ponctue le festival, l'attention aux émergences sonores qu'on partage avec Bonnie. Vous avez vu qu'il y avait ici Hélène Blondet de la Villa Arson à Nice, mais aussi Thibaut Drouillon, ex-école d'art de Mons à Rocarré. Donc on travaille avec toutes ces écoles et d'autres dans CitySonic pour essayer de les accompagner pendant l'année et de montrer leurs travaux, leurs projets dans une logique professionnelle. Sans dire attention, mais pour les étudiants, bah, s'il est vrai professionnel, mais déghettoiser justement ces dimensions-là pour optimiser leur chance aussi de visibilité de diffusion. Il y a toujours ce côté aussi création radiophonique avec, mais, que j'aime bien hors du poste. On a même fait des parcours parfois d'écoute de création radiophonique, notamment en 2015 à Mons, avec des petits bouts de création radiophonique un peu partout dans la ville. Et puis Gilles et Zoé Tabourdio, aussi réalisatrice radiophonique, anime la radio sonique, la radio du festival, avec des contenus originaux, des interviews d'artistes, mais aussi des ambiances, des sujets, des pièces autour du festival. On a aussi la Sonic Garden Party, c'est des performances dans des jardins privés qui nous accueillent pour un jour, où on va chez des gens qui ouvrent leur jardin à des performances assez intimes sonores. Ne font jamais ça d'habitude. Ça permet aussi au public de découvrir ces architectures-là. Et puis des résidences d'artistes, évidemment, avant, des ateliers pour les enfants, Sonic Kids, etc. Écoute, je passe pas mal de choses qu'on fait. Et je vais vous passer un petit extrait, je crois avoir vu là. Alors, tout n'est pas du tout en extérieur, mais ça, c'est toujours la polémique. Je viens de diriger un mémoire d'étudiant. Parlait d'espace public et d'espace urbain, et pour lui c'était forcément en extérieur. Pour moi, pas du tout en fait. On peut relier 15 lieux, par exemple, comme on fait à Louvain-la-Neuve, en créant un parcours à travers des lieux fermés, mais aussi avec entre les choses, des choses en extérieur, pour moi, relève d'intervention dans l'espace public ou dans l'espace urbain. Ça, on peut aussi s'accrocher sur cette définition. Donc voilà un petit extrait ici d'une édition qui avait lieu à... Au secours, le bureau est revenu. Alors, je crois que je vais faire encore appel à Jean-Daniel et son... Ah non, c'était Marc qui a réussi. Marc, oui. C'est le spécialiste de la bureaucratie. Ça va marcher. Ah oui, mais c'est vrai que ça ne marche pas. C'est le bureaucrate. Si je partage l'écran, c'est le bureaucrate. Oui, oui, on peut le faire. Bien, mais normalement, c'est pas le problème. C'est son ordinateur, mais l'équipe, tu vas l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait? Par contre, attention, la batterie reste 10%. Hein. Oui, il faudrait mettre aussi. Tu mets ton chargeur. Ouais. T'as vu ce bureau? Oui, je sais. Ouais, non, attends, mais il est là, voilà. C'est un quoi ton chargeur? Il est là, en fait. Il y a tout là qui pète, le fil qui manque, et ça rend le. Ouais, il soit rédiapo, on va dire. l'information. Et t'as refait un truc. Ah oui. Voilà, nous y arrivons. Merci Marc pour ton intervention technique très appréciée. Et donc nous voici ici à Charleroi. On l'a fait une fois à Charleroi, c'est une ville compliquée. On dit parfois que c'est la ville la plus laide de Belgique. C'est vrai ou pas vrai, parce qu'en fait, il y a une certaine beauté dans ces architectures industrielles. Et il y a aussi, en plus, des bâtiments à nouveau qui sont très beaux aussi. Donc, par contre, c'est très hybride et c'est compliqué parce que c'est un grand centre-ville, contrairement au centre-ville de Mons qui est plus petit et Bastia encore plus petit. Et donc, comment faire un parcours dans tout ça, c'est pas évident. Il y avait aussi une dizaine de lieux. Par exemple, le Palais des Beaux-Arts. Dans le Palais des Beaux-Arts, on a éclaté complètement le Palais des Beaux-Arts avec différents types d'installations. Et là, ce que vous voyez aussi à gauche, c'est le centre chorégraphique à côté, Charleroi devant. C'est une installation d'Alain Vergifosse, qui est un pionnier belge de l'électronique et qui utilise aussi bien des microscopes pour créer des images que de la synthèse granulaire pour les sons. On a aussi à droite une artiste canadienne qui invente plutôt des instruments. Ici, les vieux médias avec Such, un artiste français qui parle de parlophone augmenté, ou encore de la céramique ici qui vient de la céramique sonore, une artiste anglaise. Ici, des étudiants de l'école d'art de Mons ont fait une œuvre collective qui s'appelle The Party, et c'était dans un lieu aussi industriel. Vous imaginez qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de la soirée? Il y a comme objet sonore ou qui était sonore dans une soirée qui vient de se terminer. On a aussi. Je vais toujours continuer jusqu'à ce moment où j'ai sauté. On a aussi ici, vous voyez à droite, une œuvre d'artistes belges et canadiens, parce qu'on a des résidences croisées avec le Canada, notamment à Champ-Blanche, comme centre d'art visuel et numérique. Et donc là, c'était en fait. Avec les données météorologiques en direct à la fois de Charleroi et de Québec, ces espèces d'hélices à son produisaient des sons différents et se mélangeaient. Ici, dans une maison de la presse, là pour le coup une très belle maison d'art nouveau, où d'habitude les gens n'ont pas accès, c'est ça aussi notre but, c'est d'essayer d'investir des sons qui d'habitude ne sont pas accessibles au public. On a fait pour quelque chose d'un plutôt jeune public ou ludique, des digital breakfast où en fait où chaque objet du petit déjeuner devient turbulent, interactif, impossible, et producteur de sons, ce qui amuse bien les jeunes publics du coin. Ici, Alain Vergifosse, avec différents objets dans une cafétéria de musée, où les tables deviennent aussi des tables sonores, les arbres deviennent des arbres soniques, des petites boîtes qui sont des boîtes son également, l'intérieur de Milo. Voilà une œuvre vraiment ici dans l'espace public extérieur. Émilien Leroy, qui est un artiste du nord de la France. Bon, comme Charleroi a un passé industriel, évidemment très marquant, il a travaillé avec toutes ces boîtes qui sont des boîtes qu'avaient les ouvriers avant pour aller manger, des boîtes en fer où ils avaient tout leur matériel pour la journée, et chaque boîte devient une boîte sonore. Ici c'est dans l'espace public, et ce que vous voyez à droite, les sonic tubes, ce sont des tubes aussi dans un acier d'antan où on entend ce que produisent, ce qui reste des hauts fourneaux de Charleroi, il en reste encore un je pense. En amont de ce canal, on l'entend dans la ville. Et donc c'est vraiment le passé industriel ici de la ville qui est mis à l'honneur par Émilien Leroy, à la fois par ces espèces de détournements sonores, mais aussi par ces flux sonores à travers ces sonic tubes qui sont dans la ville et qui nous font entendre le son des travailleurs et leur contexte assez délirant, juste un peu plus haut. On va rentrer dans l'espace public parfois. Thomas nous entendait en train de faire la visite guidée. Ici, c'était dans un artiste, André Stroblovitch, un artiste viennois, qui a fait avec des Walkman qui deviennent dessinateurs, en fait, de son. Dessinateurs abstraits, après il n'y a pas de son. Là, ça, c'était dans un centre de technologie qui d'habitude faisait des jeux vidéo, mais pas du tout de l'art sonore. Walkman Painting, le long du canal, Raymond Delepierre, aussi une œuvre d'art extérieur pour le coup, artiste sonore bruxellois très intéressant, qui est aussi professeur de son à l'école d'art Lacambre, qui a détourné, recueilli d'abord ses anciennes speakers, oui c'est ça, des années 50, et qui était plutôt utilisé à des fins politiques, pour mettre des sons de bells, donc de cloches, mais synthétisés, puisque Charleroi est aussi une ville très désacralisée, comme ça, essayer de retrouver une forme de rituel, mais tout en marquant l'âge numérique dans lequel on est, à travers encore quelque chose qui est lors de la culture plutôt, pour le coup, industrielle, mais aussi un langage politique détourné, un peu réenchanté, et c'était du haut de ce bâtiment, vers les caisses, qui que tout le monde qui passait en dessous, se disait, qu'est-ce que c'est que ce truc. On aime bien prendre des gens par surprise de l'oreille. Ça, c'était dans un sex shop. C'est Mathieu Safati, qui est un très bon musicien, violoniste, violoncelliste par ailleurs. Il a fait des vidéos autour de Bruce Mayer. Et vous savez, Bruce Mayer aimait bien les grosses poitrines de ces dames. Et ça n'avait rien de vulgaire. C'était dans la vitrine du sex shop. Performance ici de Raymond Delepierre avec un autre jeune artiste. Dans les lieux de son installation, avec des objets sonores, encore une fois, à la fois projetés sonores dans l'espace, mais aussi en extérieur du lieu pour avoir une espèce d'installation vivante à travers son dispositif. Donc là, on est vraiment plutôt dans le côté chercheur de son, chercheur de matière sonore, où l'installation est aussi une installation performance, et pendant le dispositif d'installation, on la fait vivre avec des performances. Stéphanie Laforce, qui est une ancienne compositrice de musique électroacoustique. Ici, elle a fait des élastiques où, en tirant l'élastique change de son selon le poids, etc. Elle a fait ça aussi en extérieur également, dans des kiosques, notamment de différentes villes. Elle a fait ça toute l'année passée dans différentes villes belges. Aussi assez tout public, et française aussi. Ici, le même Émilien Leroy que vous avez vu avec ses mallettes et ses sonic tubes, ici devient un détecteur de métaux. En fait, il a, avec des détecteurs de métaux, il en fait des guitares électriques, et il jouait ici dans une brasserie avec des pédales d'effet. C'était assez rock'n'roll. Ça décapait beaucoup plus que ça. Et du coup, le métal, c'est la pédale. Non, le métal, c'est ce qui tient. Il détecte vraiment du métal. C'est pour détecter le métal, c'est ce tuyau-là. Ouais. Parce que d'habitude, il y a un rond au bout sur les plages, c'est la même chose. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en détecteur de métal. Ah ouais, c'est le même système. Il y a, donc c'est bien cet instrument-là. C'est aussi amusant de faire ça dans une brasserie parce que du coup ça prend toute une dimension intéressante. Et d'ailleurs, dans la même brasserie, un autre artiste avait fait une installation sur les sons que produit le brassage de la bière. C'est un grand compositeur de musique électroacoustique, Théo Kupper, ici dans une église, avec des sons d'oiseaux. Théo travaille beaucoup sur les sons d'oiseaux, sur la voix, dans tout ce qui est borborique, pas seulement la voix chantée. Et c'était spatialisé dans une église à Charleroi, il y a juste pour un jour. Et puis après, ça devenait une installation. Toujours ce côté événement, installation après, y compris là où on va se confesser. On pourrait se confesser en son électroacoustique. Un peu plus loin. Des ateliers pour les enfants, je passe. Des conférences, je passe. Alexandre Castan. Critique d'art français qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Les Arts sonores, très bonne introduction aux arts sonores, on l'a publié. Charlemagne Palestine, enfant terrible de la scène minimaliste new-yorkaise, ici. Il était carillonneur au départ et dans un donjon, mais il a aussi fait des. New York, mais il a aussi fait des. Dans une église, pardon. Mais il a aussi fait des concerts dans des églises, justement. Et donc là, c'était le cas dans la basilique de Mons, la première fois là-bas aussi. Et puis après, là aussi, ça devenait une installation. C'est Charlemagne Palestine, il s'appelle, oui, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai, non. Je vais faire une dégustation de l'histoire. Un peu embêtant, c'est tombé en histoire. On habite Bruxelles. Très beau performance. Ici, je vais terminer avec ça. Bois du Luxe, c'est un site dans lequel on est transcuté premièrement. C'est un site, un ancien site minier, un site de l'écomusée de développement durable. Très important, c'est le verre de cognac et le verre de vin. Et les psychodos qui est autour de lui. Bois du Luxe, c'est un très beau site où Transculture est pour le moment. Et donc là, dans le site, on avait demandé à Johan van der Malen, qui est un artiste flamand, comme son nom l'indique, de faire tout un circuit installatif assez low-tech, avec des billes, avec ce qu'il trouvait dans le lieu même, qui est donc les anciens magasins des mines, qui est devenu un lieu plutôt culturel ou un écomusée. Voilà, je vais arrêter là parce que en fait je pourrais vous passer des dizaines d'exemples comme ça selon les éditions, mais ça vous donne un petit exemple de la diversité. Très bien. Alors, est-ce que juste pour quelques minutes, Gilles, tu as envie de poursuivre toi sur aussi des retours d'expérience et rétrospectives sur différents types de projets? Au-delà des parcours audiosensibles, parce que je sais que tu es aussi très impliqué justement en intervention auprès des étudiants, notamment de l'école d'architecture de Lyon. Oui, de Lyon et de Navarre. Oui. Oui, mais en fait, c'est vrai que le... Alors, juste pour quelques minutes, comme ça, oui. On pourra dégager ensuite c'est du temps, parce qu'on a soulevé des thématiques et je crois que la dimension politique va peut-être remonter dans les échanges pour avoir à peu près 30 minutes d'échange avant de clôturer le débat. Non, mais simplement, voilà, pour ajouter, bon, je ne fais pas que des parcours audio-sensibles, il y a parfois aussi des installations avec des dispositifs très techniques, même si se demande souvent à des collègues d'aller faire. Et puis, il y a effectivement le côté que tu soulignais, c'est-à-dire le côté transmission. Et la transmission, ça s'adresse beaucoup à des étudiants, que ce soit en design, architecture, urbanisme, géographie, gestion de projet culturel, enfin bon, il y a énormément de gens qui sont concernés par le son, puisqu'ils ont tous une paire d'oreilles, donc on peut se dire qu'ils sont tous concernés. Et à chaque fois, on écrit des workshops ad hoc, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie d'où vient le paysage sonore, et puis après, il y a la partie expérimentation sur le terrain. Et le lendemain de zone libre, voilà, ben je serai avec des étudiants tunisiens à Sousse, architectes. Je reste sur la Méditerranée, j'ai besoin de soleil. Et la question, je ne l'avais pas complètement bien formulée, était aussi de nous parler peut-être de Pépasson. Parce que c'est, Oui, ça c'est une association qui est née il y a 2 ans et qui est très active, qui s'appelle Pépasson. C'est un nom un peu bizarre, mais c'est Pédagogie des paysages sonores. Alors qu'il y a une association qui travaille plutôt sur un réseau, c'est-à-dire de croiser des expériences vraiment pédagogiques, hein, ça part de l'éducation populaire jusqu'au travail des doctorants, et en faisant intervenir beaucoup de personnes. On a fait une rencontre juste avant de venir ici, donc où il y a des architectes, des artistes sonores, des bioacousticiens, tous les gens qui peuvent être concernés pour le son, et d'essayer de mettre en réseau des outils, aussi des outils dans l'esprit open source, c'est-à-dire que des outils que tout le monde peut aller pêcher sur Internet, des fiches d'écoute, et d'organiser des rencontres, débats comme celle-ci. Voilà. Et c'est une association qui a 2 ans, mais qui trouve sa place, parce que je pense que ce genre de partage pédagogique manque encore un peu dans le paysage. En tout cas, moi, je suis très réseau, hein, je travaille énormément sur les réseaux, sur comment on peut se faire croiser les gens. Voilà. On est là, c'est pas. On est là, donc, voilà. Comme ça. Peut-être on pourrait répondre maintenant à la question de Jean-Daniel, s'il veut bien la reformuler, parce que je me souviens juste du dernier mot qui s'appelait politique. Bastement. Non, c'était pour rebondir sur vos suggestions d'espace public. Et nous, quand on fait des installations, on aime bien aller chercher la parole dans l'espace. Habermas a beaucoup parlé de l'espace public comme partage et comme condition sine qua non de ce qu'il fait citer, en fait, il me semble. Mm-hmm. Et dans son dernier bouquin, Habermas commence à dire que le non-partage de l'espace public, qu'il y a une régression dans l'espace politique parce que il n'y a plus de partage de la parole, puisque les réseaux sociaux, etc. Bon. Là, très concrètement, on est allé chercher de la parole dans un endroit, dans un quartier populaire, où ils ne veulent pas l'entendre, pour la porter dans un endroit plus hype où on peut l'entendre. Et j'interrogeais ce déplacement-là. Voilà. Bah, voilà, j'ai mis dans mon petit... mon petit pense-bête, je sais pas si ça marche. Non, ça ne marche pas. Si, il faut parler vraiment de la je mettais dans mon petit, celui-là il va mieux. Dans mon petit pense-bête, notre cher Guy Debord et sa psychogéographie qui fait écho à ta question, qui bien avant Habermas parlait de psychogéographie, c'est-à-dire d'une expérience du sensible où il s'agit de retourner l'espace, de l'apprendre par sa face cachée pour mieux le retourner, il parlait de la ville. Pour se la réapproprier, il faut d'abord la désapproprier, la désorienter. On parle de 56 dans le mode d'emploi du détournement. Et où il parle déjà d'urbanisme unitaire qui envisage le milieu urbain comme terrain d'un jeu en participation, donc cette espèce de relationnisme que Nicolas Bourriaud met en évidence et qu'il avait lui-même emprunté à beaucoup d'autres gens qu'il ne cite pas dans son livre. Et donc c'est ce mélange d'errance dont parle Debord est aussi lié évidemment à un engagement politique qui voit l'espace comme un espace finalement emprisonné, on sait qu'il détestait le Corbusier et toutes les théories modernistes à ce niveau-là, mais qui veut justement le désenclaver pour en faire un espace libertaire à travers la déambulation, mais surtout la déambulation de notre imaginaire. Et ça, je crois que c'est plus important que la psychogéographie, les gens retiennent sur la géographie, alors finalement, c'est plus au terme psycho, je crois, qu'il est important là-dedans. Il y a beaucoup de déambulation dans les bars d'ailleurs. Si, oui, ça c'est une autre histoire. Et j'aimerais bien aussi, aussi avec qui on a travaillé en son temps, la notion du philosophe américain Akimbe alias Peter Lindbergh Wilson, qui dans les années, dès les années 90, j'allais dire 90 en tant que belge, a fait ce livre Zone d'autonomie temporaire qui a fait beaucoup parler de lui, Taz, notamment au niveau de ce qu'on croyait encore à l'époque possible avec la culture du web qui était une culture de l'échange. Il avait beaucoup étudié les utopies pirates, notamment au 18e, et il avait un peu calqué justement ces espaces arrachés finalement aux différentes formes de l'impérialisme, l'espace de liberté anarchiste dans le bon sens, et lui-même je crois être un philosophe clairement anarchiste. Et là aussi, proche des notions de Debord, proche aussi, il dit, nous recherchons des espaces géographiques, socioculturels, imaginaires, entre un petit point, capables de s'épanouir en zones autonomes et des espaces-temps durant lesquels ces zones sont relativement ouvertes. Et il parle aussi de concepts de nomadisme psychique, et là on rejoint tout à fait Debord, mais d'autres théoriciens aussi. Donc là, je pense que cette espèce de zone d'autonomie temporaire, nous, en tout cas dans City Sonic, c'est ce qu'on essaye de faire. D'installer le temps d'un festival. Et j'aime beaucoup le nom zone libre aussi, parce que je pense qu'il y a cette philosophie aussi, je pense comme nous, certainement beaucoup plus modeste au niveau de l'implication politique ou anarchiste potentielle, avec toute la sympathie qu'on peut avoir là-dessus, mais de faire une espèce de zone franche, le temps d'un moment en reliant des lieux, mais aussi en les métamorphosant et en créant différents types de relations entre des pratiques, des communautés, des technologies et d'une certaine manière aussi des esthétiques et des polices au sens grec, des sociabilités en mouvement. Oui, ça répond à ta question, mais c'est l'extension de ta question. Oui. Alors, pour ne pas monopoliser nous la parole, si personne veut en dire, alors peut-être en nous affranchissant un petit peu de la dimension politique, parce que sinon on risque de bourdonner, mais je pense en tout cas, zone libre, c'est une forme d'engagement, et on l'a bien vu hein, à travers le profil de tous les artistes que vous regardez à City Scénic. Bien évidemment, ce n'est pas du divertissement qu'on trouve dans ces zones urbaines ou ces espaces publics, puisque la nature de toutes ces propositions, finalement, c'est un engagement très fort pour aller justement la rencontre. Et qui peut avoir un côté ludique. Oui, bien sûr. C'est une manière d'amener les gens à, et poétique, certainement, au sens large. Oui, oui. Engagement ludique, pédagogique, dans la transmission, parce que voilà, on se rapproche des publics et on s'en éloigne pas justement parce qu'il y a un déficit de partage de l'espace public, ce que soulevait Jean-Denis tout à l'heure, et les politiques, et la politique en est directement impactée, puisque je pense qu'il y a une perte de repères de la part justement voilà, des usagers, des personnes qui sont les premières concernées par l'espace public, et là, pardon, dans un autre débat. Mais est-ce que sur les pratiques, sur la diversité des formes, des projets dont on a pu parler, des outils, vous avez-vous des questions à nous poser sur... J'aurais trouvé intéressant que peut-être Marc Vera, ici de l'Université de Savoie, lise un mot sur un séminaire où il avait invité Cynthia, vais-je dire, dans lequel il y avait. On parlait d'écosophie, justement, et de. Trois écologies. Et de Guattari, entre autres. Et du lien que tu fais, toi aussi, avec ce que tu appelles. Finalement, des espaces de narration sensibles et les écritures augmentées. Donc, simplement rappeler peut-être ce que c'était ce séminaire. En fait, c'était un séminaire donc, avec Roberto Barmenti, qui a déjà beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et où donc, aussi il y avait Philippe Franck. Et l'idée, c'était vraiment de croiser deux histoires, finalement, du son. Le premier par rapport à cette recherche un peu minimale qui a pu être faite dans les années 70 sur le son, c'est-à-dire le réduire à sa relation peut-être de composition minimale, et puis la question finalement de comment aujourd'hui le son est plus lié avec ce que tu fais avec City Sony dans l'espace public, et comment donc ces deux pratiques pouvaient se recroiser à partir de ces questions posées déjà par Deleuze et Guattari, etc. Et moi c'est ça, non? Ouais. Nice. Oui, mais en fait c'est pas clos quoi. C'est pas encore terminé. On n'a pas résolu le problème du tout. On n'a pas du tout résolu le problème. Et moi ce qui me semblait aussi important là de dire, c'est que l'espace public c'est pas ça a été dit à un moment, mais on n'est pas assez attendu. C'est pas simplement l'espace de la ville, ni l'espace privé qui est maintenant assez confondu avec l'espace public, avec ce qui nous arrive aujourd'hui politiquement, par exemple avec le Covid, mais c'est aussi les réseaux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une transposition de la question de la prise de parole. Ce que dit Habermas. Voilà. Oui, oui. Et il y a ces choses-là comme ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me semble intéressant, par exemple, ton installation là, devant le théâtre, c'est-à-dire... C'est pas le problème de prendre un texte et de le relire. Le problème, c'est comment il rentre en réseau avec des paroles individuelles dans une question d'espace public, mais qui serait l'espace public de la pièce, là, en fait. C'est vrai qu'en plus, dans cette installation, No Lockdown sur la poétique Scape, d'ailleurs, je remercie Tommy Lazaroki. J'ai demandé à des amis, femmes poétesses, en fait. On a nourri une forme de correspondance confinée pendant le confinement, à travers le réseau d'ailleurs. Et de là est née des écritures, et là, c'est la parole que je remets en son de certains de ces fragments, de ce qui a été écrit dans les autres. Donc, il y a un double réseau, plus le côté intérieur et extérieur dans lequel l'installation. Et je trouvais aussi intéressant la notion dont tu parles souvent dans ton travail, parce que tu travailles beaucoup autour de la VR, et ici on voit un dispositif... Azonib s'appelle iReal, qui est une espèce de plateforme multiforme type de monde augmenté, tu parles souvent de cartographie du sensible. Parce qu'en fait, là, on est dans notre sujet aussi. Oui, oui, pour revenir, en fait, il y a des choses qui sont... Mais c'est intéressant qu'on soit en Corse, pour en parler. Parce qu'en fait, pour moi, la langue, c'est une mesure d'ordre, c'est un système d'ordre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... On en parlait tout à l'heure par rapport à la manière dont la langue corse devrait s'écrire ou devrait être enseignée. Et on s'aperçoit qu'à partir du moment où il y a une espèce de mise en forme de la langue, ça devient un système d'ordre. Et donc, justement, c'est de revenir à la manière dont on s'approprie et on détourne la langue. Et bon, ça, c'est un des points d'ordre, on va dire, dans Aïril. C'est-à-dire comment, à partir du moment où on glisse, on dérape sur le mot, ou qu'on reçoit un son ou un mot qu'on ne comprend pas, comment on se l'approprie vers une forme poétique et imaginaire qui nous convient, et non pas qui est celle qui nous a été donnée et donnée à entendre. Je pensais un petit peu à ce que tu as fait hier soir, et ça me semble intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, l'espace des réseaux, c'est justement là que se situe peut-être cet entrecroisement de l'espace public, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on va détourner de sa fonction première, qui est une mesure d'ordre. Je ne sais pas si je dérape pas aussi. Hein. Qu'est-ce que l'écologie ou l'écosophie, quelle est la différence? Ça, c'est en fait. La notion d'écosophie ne touche pas forcément que le côté sonore, puisque c'était au départ Nice, donc j'ai perdu le prénom, qui avait théorisé ça, puis qui a été repris ensuite par Guattari et Deleuze, mais c'est qui estimait que l'écologie environnementale, purement environnementale, ne suffisait pas. Donc il parlait de trois écosophies qui étaient aussi des écosophies éthiques, esthétiques, philosophiques, des écologies économiques, des écologies environnementales. Et que si on n'abordait pas l'ensemble de toutes ces écologies, qui ne soient pas que la défense des animaux ou des sites, mais qui ne pensent pas justement le social, l'éthique, la philosophie, l'économie, eh bien on allait dans le mur. Et je pense qu'ils avaient tout à fait, ils avaient tout à fait raison. Parce que ce qu'on peut reprocher à l'écologie, c'est d'avoir une vision très, très centrée sur le milieu, mais qui ignore beaucoup, qui tisse pas assez large, en fait. Et pour ta pratique sonore, quelle est la déclinaison de ça? Moi, j'ai beaucoup été influencé par Guattari Deleuze, je le suis encore, et puis par mes travaux de Barbanski aussi, d'ailleurs. Peut-être, comme exemple, pour que ça soit le plus compréhensible possible, on pourrait dire que l'écosophie, c'est un peu comme l'ursonate de Kurt Schwitters. Hein, voilà, cette espèce comme de... Comme l'ursonate de Kurt Schwitters. De Kurt Schwitters, c'est-à-dire quelque chose qui vient du corps, qui reçoit l'espace extérieur, mais qui n'est pas dans une stricte lisibilité écologique, justement. Oui, c'est-à-dire que Schwitters avait pris des intonations de toutes les langues possibles, imaginables, pour faire une langue onomatopéique, c'est-à-dire entre le cri et la langue. C'est une performance un peu fondatrice dans l'art sonore, d'ailleurs, qui est entre le lettrisme... Même dans la poésie. Voilà, le lettrisme, la poésie, ce qu'on appelle la poésie performance, la performance, c'était... Et donc voilà, il se détachait un petit peu... Mais, alors, pour revenir à la question, moi, je pense que quand on pense... Voilà, c'est... Mais tu peux parler dessus, la sonate. La sonate. Pour sonate de quoi? Je pense dans les années 20, sonate pour son primitif. Je pense que c'est. Oui. Tu peux continuer. Et oui, pour revenir à cette notion d'écosophie, dans le son, si on considère que le côté esthétique du son, je pense qu'on aura beaucoup de choses. Et que si on ne va pas du côté qui soit à la fois de l'esthétique, de l'aménagement du territoire et ce que j'appelle des sociabilités en même temps, pour moi, j'ai l'impression de rater plein de trucs. Et par exemple, l'exemple de la parole rapportée, de rapporter de l'espace public au privé, peu importe, et redistribuer, c'est complètement un des... Moi, je fais beaucoup ce qu'on appelle des bandes d'écoute, c'est-à-dire que je m'assois, je parle avec les gens. C'est pas de l'art sonore, mais c'est de la sociabilité de terrain. C'est un préalable aussi, oui. C'est un préalable. Et c'est, pour moi, c'est quelque chose d'écosophique, en fait, parce que c'est pas seulement parce que je fais des économies de moyens, mais c'est parce qu'il y a, le rapport... C'est aller ouvrir l'espace de l'oreille, c'est un geste. Oui, c'est un geste assez... Pour moi, assez militant, quelque part. Hein, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Parce qu'on ne sort pas de la politique, là. On va devoir... D'autres questions? Vous êtes aussi enseignant, vous avez des contacts avec les... Vous m'entendez pas? Non, mais comme on enregistre... Ah, vous enregistrez? Ma fonction n'est peut-être pas essentielle. Mais si. Vous êtes en contact donc, avec des étudiants, des scolaires aussi. Est-ce que vous avez vu depuis quelques années, comme j'ai pu le constater de mon côté, une évolution, une évolution sur justement la façon dont ils écoutent. Parce que moi je pense que depuis les années 80, il me semble qu'on a évolué vers le casque, c'est-à-dire on se met maintenant les écouteurs, c'est-à-dire dans les oreilles, ou alors des casques très performants. Et je me suis demandé si ça n'avait pas justement un impact sur la façon dont les gens écoutent ou n'écoutent plus. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose à ce niveau-là? Il y a une grosse évolution qui date même avant le casque, qui date... Il y a eu le Sony avec son, comment on appelle ça, le baladeur, et qui a déjà fait évoluer beaucoup les choses, mais on constate plein de choses, les ghetto blasters sur l'époque, aujourd'hui les enceintes Bluetooth, les casques, toute la technologie a forcément fait évoluer l'écoute, hein. Alors quelque part l'a enfermée, quelque part l'a ouverte, j'aurais pas à dire ce qui est le meilleur ou pas, mais ça non, bouge en arrière. Non, je ne parle pas de meilleur ou pas, là. Je parle juste, est-ce que vous aussi, vous avez constaté une évolution? Je pense qu'en effet, de par le côté technologique, mais la technologie n'est jamais qu'une avancée. C'est qu'un outil, hein. Aussi parce qu'on sait qu'on peut vendre tel ou tel type de technologie avec tel ou tel type de comportement. Donc, je crois que ça, tout ça vient aussi une forme de personnalisation, d'individualisation. D'un monde et du monde de l'écoute en fait partie. Et ce que certains essayent de faire dans les arts sonores, là encore c'est très divers comme relation à cette culture de l'écoute, et la culture de l'écoute, on y fait vraiment attention dès son plus jeune âge, par exemple dans City Sonic avec des ateliers, etc. Mais c'est comment à la fois cette écoute-là, même individuelle, elle n'est pas nécessairement négative, parce qu'il y a des œuvres par casque. Mais enfin, comment elle peut avoir un côté immersif ou contemplatif ou partagé aussi. Et à ce moment-là, il y a une porosité. Vous avez vu que dans certaines œuvres que j'ai montrées, il y avait une porosité dans le même espace. Et on l'assume complètement parfois, à condition que ce ne soit pas de la pollution sonore, c'est-à-dire quelque chose qui soit indésirable. On travaille ça aussi avec les artistes en bonne entente. C'est ce qui se passe avec les deux installations qui sont au musée de Bastia, ici Thibaud Drouillon et Hélène Blondel. En fait, j'ai l'impression que chacun gagne un peu pour le coup, là. C'est pas toujours le cas. Chacun gagne à être un peu pollué par l'autre, parce qu'il y a une espèce de connivence dans leur son, dans leur dispositif, en utilisant d'ailleurs des sons locaux. Et là, vous n'aurez, on ne peut pas demander à un visiteur, il n'aura jamais cette expérience-là au casque. Il doit se balader à travers ce dispositif, il doit se balader à travers le dispositif sur la place dont on a vu Panorama là, de Tommy et Jean-Daniel, parce que sans ça, ça n'a aucun sens. C'est justement en marchant et en reliant les points les uns aux autres qui trouvent un sens également, qui trouvent une écoute déambulisatrice et en même temps constructrice de sens justement dans le mouvement. Là, je pense vraiment que notre imaginaire, en plus, beaucoup d'artistes jouent là-dessus, je pense à Dominique Petitgant ou à d'autres, qui mettent des fragments de voix dans différents... bafle dans un espace, on doit passer de l'un à l'autre pour essayer de reconstruire le dialogue, mais en fait il manque toujours quelque chose. Notre imaginaire se projette dans ce manque C'est justement dans ce manque-là qu'il y a une grande richesse et que ça nous marque finalement et que ça nous touche. Oui, ça c'est intéressant. Et, j'ai une autre réponse. Moi, je pense que un autre outil qui a beaucoup changé l'écoute, ce n'est pas forcément le casque et le Walkman, puisque c'est vieux comme... C'est le support. Non, moi c'est le téléphone portable. Il y a des supports. C'est-à-dire le fait de par exemple, d'entendre des bribes de conversation quand on passe. Le monde s'est encore plus fragmenté, comme une nuée de fragments de soliloques qui nous entourent, qui font écume. Et on passe à travers ça. Donc, ça a trait aussi à la durée à laquelle on accède, à la durée de contemplation possible. Mais là, on est vraiment dans des fragmentations. Et puis, ça, je pense que ça a changé le rapport de l'intimité et donc le rapport d'écoute. Il n'y a pas assez d'œuvres qui ont été faites là-dessus. J'aimerais bien... Les formats, le streaming aussi. Et la compression, bien sûr. La compression, passer de ce qu'on appelait le Hi-Fi dans notre jeune temps à du MP3. Je parle de la compression dynamique aussi. Oui, en fait, toutes les formes de compression. Oui, donc c'est encore de ça. Allez, une autre question. Non, mais... c'est une poursuite dans le même sujet. Mais pour moi, j'ai l'impression, merci pour la question, c'est vrai que ça ouvre des nouvelles pistes, que finalement les gens sont plus intéressés par le médium que par leur propre vie. C'est-à-dire qu'une vie n'a d'intérêt que si elle est reproduite par un médium de nos jours avec les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Et du coup. Le travail de parcours sonore, c'est vrai que les gens redécouvrent leur monde en écoutant vraiment, sans un médium. Qui est aujourd'hui le seul point d'intérêt que les gens, c'est-à-dire reproduire au mieux leur vie. Ouais. On revient à McLuhan. Est-ce que c'était mieux On revient à McLuhan et The Medium is the Message. Et son éditeur, qui avait mal compris ce dont il parlait, avait dit « The medium is the message ». Massage. Je pense que les deux sont vrais. Massage is the message. Oui. Alors, je pense que malheureusement, on va devoir clôturer nos débats. Oui. Mais c'était tout à fait passionnant de partager ce moment de rencontre et puis d'échanges autour de ces thématiques qui sont multiples. On pourrait continuer sur sur la question de Bernadette, mais je pense que Jean-Daniel voulait l'évoquer également. En tout cas, moi, je le souligne, je pense que ce changement est dû au format, à la dématérialisation des formats qui fait que des millions de personnes peuvent consulter, écouter la même œuvre au même moment. C'est ça aussi qui est assez impressionnant, parce qu'on avait le choix dans un acte individuel de rentrer et de pouvoir choisir les sons, les musiques qu'on voulait écouter. Maintenant, avec le streaming, avec cette dématérialisation du sonore, on peut, comme ça, par des contenus massifs, impacter des millions de personnes en même temps. Et donc, ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est... Oui. Et paradoxalement, à l'époque où les médias étaient physiques, les distributions étaient plus massives, c'est-à-dire il y avait un truc en tête de gondole et tout le monde, beaucoup plus de monde écoutait la même chose au même moment. Oui. Et là, c'est plus fragmenté, chacun est dans sa liste d'écoute, dans son petit tunnel à lui. On peut impacter plus de gens et on peut aussi disparaître beaucoup plus aisément dans la cybersphère. Ah oui. Disparaissons dans l'écume des sons. Je vous remercie et n'oubliez pas que le festival se poursuit ce soir avec la soirée 4 à la DEF avec deux concerts très très singuliers que je vous invite à venir découvrir. La pièce Lament de Mercier Pachita et Aosan, le projet Aosan.